mamé, censuré, contaminé, coupé, culpabilisé, découpé, désassemblé, dicté, désinformé, entré, éjecté, éructé, influencé, manipulé, mélangé, pactisé, panté, pollué, ramaché, recousé, répété, resté, bouclé, santé, mais surtout, mille milliards de mille sabots de chauffeur d'âme, imprimez-moi ces foutus traités.